jours de pluie. Il n'y a plus rien à faire, toutes les fleurs sont heureuses. Je les aime quand elles sont trempées, qu'elles cachent un espoir de soleil, de soleil. Non, je ne regrette rien, elles m'aiment, je leur ai tout donné. Elles sont si belles, si tranquilles. C'est étrange d'être aussi silencieuse. Elles pleurent des larmes de joie. Elles sont bien quand elles sont tristes. Yes.